Il y a le batteur qui s'écarte et toi qui tiens le choc. Tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît.